Toi, jeune fille, tu es perdue. Il y a ton cœur qui a disparu. Tu es apprentie dans cette vie et déjà tu as de la mélancolie. Regarde le ciel et tous ces oiseaux. Ils s'envolent à travers les rayons du soleil. Et tu peux faire comme eux en suivant ta lumière. Tu pourras que te sentir beaucoup mieux. Toi, jeune fille, ne sois pas déçue. Sur toi, l'amour ne s'est peut-être pas battu. Mais avec tes yeux de diamant et avec ton charme, tu verras ton cœur réapparaîtra. Et puis d'un coup, tu as croisé son regard et ta langue, il est enfin venu prendre ta main. Et maintenant, avec ton grand bonheur retrouvé, tu sens ton cœur battre à jamais. Toi, jeune fille, tu es heureuse. Les sentiments les plus forts font de toi une rêveuse. Mais ce rêve, tu le partages désormais avec le garçon que tu vas aimer. Toi, jeune fille, tu étais perdue. Sur toi, l'amour s'est maintenant rabattu. Les sentiments les plus forts font de toi une rêveuse. Mais ce rêve, tu le partages avec le garçon que tu aimes.